Osmose Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres. Sur Osmose Radio. To be wild, né pour être sauvage. Je ne doute pas que vous l'ayez été durant ces jours de fête, mes petits loups. Mais bon, là, avec votre gueule de bois, vous devez être plus bon à grand chose. Mais je vais vous mettre en selle, moi. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Vous êtes bien avec Stéphane dans l'heure du loup pour cette première émission de janvier 2017. Et on commençait avec un morceau mythique, Steppenwolf, et le titre Born to be wild, histoire de nous mettre en jambes pour cette nouvelle année. Steppenwolf, Born to be wild, hein, l'animal un petit peu emblématique de cette émission, l'heure du loup. Une émission qui commence un petit peu en retard, comme d'habitude, donc l'année 2017 commence normalement, on va dire. Et on va rester dans le thème justement avec un autre groupe, Wolf Mother, et le titre Joker and the Theft. We'll be right back. Si vous avez eu une maman comme la mienne, vous avez sans doute eu une mère poule. Mais bon, là en l'occurrence, c'était une mère louve qu'on vient d'écouter avec Wolf Mother et le titre Joker and the Theft. Des clowns et des voleurs, hein, ben ouais, c'est un petit peu ce qu'on a autour de nous, enfin en tout cas au-dessus de nous. Parmi les gens qui font l'actualité tout au long des années 2015, 2016, etc. Bref, souhaitons que 2017 soit quand même un petit peu plus intéressant. Et voilà, une mère poule comme la mienne, disais-je d'ailleurs, bonne année maman si tu écoutes l'émission. Voilà, je souhaite les vœux à ma maman, mais je vous les souhaite pas à vous. Ouais. Cette année, je souhaite pas mes vœux dans l'heure du loup. Puisque, pardonnez-moi, mais c'est pas méchant, c'est juste qu'en 2015, j'ai fait une playlist à l'occasion de la nouvelle année. J'avais fait une playlist où je vous souhaitais mes vœux en musique. Et dès le lendemain matin, c'était les attentats de Charlie Hebdo. Waouh, la tuile. Bon, je remets ça en 2016. Première émission de janvier 2016, je vous souhaite mes vœux. Et ben, c'est rien de dire que 2016 aura été une belle année de... vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est amusant, sur Internet, il y a des complotistes qui s'amusent à faire une corrélation en numérologie entre 2016 et le chiffre de Satan, le 666. Donc, si vous trouvez ça sur Internet, il y a toujours des couillons pour essayer de trouver du rationnel là où il n'y en a pas du rationnel en numérologie. Une belle oxymore. Bref. Et donc, cette année, comme vous l'aurez compris, je ne souhaite pas les vœux. Voilà. Par contre... Le début janvier correspond à un autre événement que les vœux et la bonne année, tout ça, mais beaucoup plus anodin, j'en conviens, c'est l'anniversaire de l'heure du loup. Puisque je prenais le micro sur Osmose Radio pour la première fois en janvier 2014, Dominique, paix à son âme, m'avait confié les clés du studio. Hein, Dominique, c'était la grande buana d'Osmose Radio à l'époque. Elle m'avait confié au gentil technicien, le petit marabout à l'époque d'Osmose Radio, c'était Abel, hein, un marabout, un buana. Oui, vous aurez compris que Osmose, hein, c'est un peu une tribu. N'est-ce pas Nourdine, qui a un petit peu la gueule de bois, lui, après les fêtes, vous, il la décerne à peu près jusque-là. Ce garçon. Et Osmose Radio, vous l'aurez compris, c'est une tribu. Et donc, je faisais ma première émission début janvier 2014. Et ce soir, bah, pour commémorer peu ou prou cet événement qui me tient à cœur, eh bien, j'ai décidé de faire une playlist consacrée, une playlist thématique, une playlist consacrée à l'animal emblématique, l'animal totem de cette émission, le loup. Vous l'aurez compris, ce soir, ce sera donc le thème avec ces deux morceaux d'introduction, Steppenwolf pour commencer et Wolf Mother pour continuer. Ouais, le loup. Un animal qui me tient à cœur, un animal qui est assez intrigant pour plein de raisons différentes, pour de bonnes et de mauvaises raisons d'ailleurs, ne serait-ce que parce que des fois dans les légendes il se transforme en loup-garou, mais rassurez-vous, je vais pas vous passer garou ce soir dans la playlist, j'ai pas envie de perdre des auditeurs, non, des fois le loup se transforme en loup-garou. Werewolf en anglais, et bien justement, hein, le werewolf, c'est un petit peu l'objet du le thème avec lequel on va continuer. Mais je vais pas vous passer garou, disais-je, je vais vous passer le couple le plus sexy du rock'n'roll, s'il y en fut un, c'était Lux Interior et Poison Ivy, The Cramps, avec le titre I Was a Teenage Werewolf. I'm not afraid to Wolfgangs avec le titre Cannibal Family. The Wolfgangs, c'est un groupe du psychobilly californien, un style un petit peu foufou avec un groupe qui rend hommage dans son nom à un autre garçon un peu foufou mais du 18e siècle. Celui-là c'était Wolfgang Amadeus Mozart, et puis Cannibal Family, la famille cannibale. J'espère que vous avez eu assez à bouffer pour les fêtes de fin d'année de votre côté, qui sait, avec le renchérissement des produits alimentaires, la crise, tout ça, peut-être que dans quelques années on en sera réduit à manger sa famille. Mais bon, pour le moment, c'est juste au sens figuré. Et The Wolfgangs, du psychobilly californien, disais-je, assez enlevé, comme vous l'avez écouté à l'instant, et qui rendait hommage, enfin en tout cas qui faisait référence dans son nom à Wolfgang. Wolfgang, on pense tous évidemment à Amadeus, que ce soit par rapport à la musique, que ce soit par rapport au film, que ce soit par rapport à ce que vous voulez. Je ne sais pas si sa copine l'appelait mon loulou, mais en tout cas, toujours est-il que dans Wolfgang, eh bien, il y a Wolf, le terme anglais et allemand aussi d'ailleurs, qui correspond au loup. Alors à ma connaissance, je ne sais pas si en français il y a des prénoms comme ça qui font référence à cet animal si singulier. Je sais qu'en littérature par contre, il y a eu quand même une petite référence comme ça. Je pense au personnage d'Arsène Lupin à la fin du 19e siècle, que Maurice Leblanc était en train d'élaborer, et puis au départ il avait nommé son héros comme ça, ce gentleman cambrioleur, il l'avait nommé Arsène Lopin, et puis il a réfléchi, il a changé juste une lettre, et il a bien fait, puisque c'est vrai que dans Lupin, ça fait penser un peu à Lupus, Canis Lupus, vous savez, l'homme est un loup pour l'homme, la fameuse citation du poète latin Terence. Eh bien Lupus, ça fait penser au loup, le terme latin pour le loup, et donc Arsène Lupin, il y a ce côté charme félin du gentleman cambrioleur, etc. Et puis ça a marché, cette astuce littéraire, puisque plus d'un siècle après, j'en parle encore. Voilà, donc Lupin, Lupus, voilà, tout ça, c'est un symbole un peu positif. Un autre symbole positif du loup, c'est la louve romaine, à laquelle je faisais un clin d'œil tout à l'heure en parlant du groupe Wolf Mother. La louve romaine qui avait nourri Romulus et Rémus, tout ça. Enfin, si on peut aller loin dans la culture, les références folkloriques, traditionnelles, historiques, tout ça, le loup est quand même un animal qui, bien qu'il fasse peur, bien entendu, de par son côté sauvage, est quand même un symbole extrêmement positif à des tas de degrés différents. Il y a aussi pas mal de symboles négatifs qui ont été associés au loup, mais ça j'y viendrai en fin d'émission. Pour le moment, eh bien, cette belle bestiole, qui a entre autres deux beaux yeux, fascine et me fascine, m'intrigue aussi moi, puisque je lui ai dédié le nom de cette émission que vous me faites le plaisir d'écouter, mes petits loups. Quand je dis mes petits loups, c'est affectueux. Et donc bah écoutez, les yeux des loups sont assez beaux, disais-je, c'est rien de le dire, puisque même sur le Facebook d'Osmose Radio, on vous met des quand c'est l'heure du loup, on vous met des photos des yeux de cette jolie bestiole. Et bien justement, il n'y a pas que nous que ça intrigue, il y a aussi le groupe Guachas des Punkettes de Montevideo en Uruguay, qui ont consacré une chanson à cette bestiole-là. Tout de suite, on écoute le titre « Oros de Lobo ». Guachas avec le titre Horos de Lobo. Guachas, c'était une bande de filles, 4 nanas en fait, d'Uruguay, des filles originaires de Montevideo, et qui ont commencé dans un style plutôt punk, tel que je les ai découvertes à la fin des années 2000. Et puis en 2013, elles sortaient cet album dont on a écouté un extrait, Paladar Negro, en 2013. Et un album qui tirait plutôt sur le stoner et ses ambiances un petit peu progressives, avec un son vraiment rugueux, rauque, et très influencé donc par le rock des années un peu lourd des années 70. C'est vraiment bien, je vous en avais déjà parlé l'année dernière de ces filles là et je le referai parce que c'est un groupe intéressant. Voilà, soyez les bienvenus sur Osmos Radio si vous nous rejoignez les amis. Bonsoir à tous, vous êtes bien dans l'heure du loup avec Stéphane qui en a marre de jouer les chats noirs en vous donnant ses vœux début janvier, qui en a marre de jouer les oiseaux de mauvais augure. Donc ce soir, ben ce sera pas une émission où je vous souhaiterai bonne année, mais ce sera tout simplement une émission thématique sur l'animal emblématique de cette émission, le loup. Comment les artistes se le réapproprient en musique, comment même certains groupes s'en inspirent pour le nom de leur groupe. Bonsoir à tous si vous nous écoutez en direct, disais-je, et bonjour à tous si vous nous écoutez en rediffusion. Mais dans un cas comme dans l'autre, on est encore ensemble pour une demi-heure de musique et vous n'y échapperez pas. Et la musique en l'occurrence, eh bien, c'est celle qui fait référence au symbole du loup, puisque c'est le thème ce soir. Le thème du loup, qui est souvent un thème positif, comme je le rappelais tout à l'heure, et qu'on retrouve notamment dans de nombreux personnages folkloriques. Je vais me limiter à deux, le folklore mongol et chinois et le folklore scandinave, par exemple, pour ne prendre que ces deux exemples-là, mais il y en a plein d'autres. Du côté des Mongols, des grandes plaines de l'Asie intérieure, vous avez Tengri, le loup monstrueux en fait des légendes chinoises et mongoles. Mais ce personnage-là, je vous en reparlerai dans quelques émissions quand je consacrerai une émission à la Chine. Pour le moment, eh bien, je vais peut-être m'attarder sur le personnage de Fenrir, qui est un loup monstrueux, là aussi, des légendes scandinaves, hein, des fameux mythes vikings, et qui a été décliné en musique, parce que bon, thème scandinave, ça fascine un petit peu tout ce qui est black metalleux, etc. D'ailleurs, pour l'anecdote, un des personnages emblématiques de ce mouvement musical, le black metal, c'est Varg Vikernes, qui est à l'origine des projets Burzum, notamment dans les années 90, un gars qui a fait parler de lui pour de bonnes et de très mauvaises raisons aussi, parce qu'il a fait de la tôle et il a brûlé des églises, il a assassiné certains de ses potes, enfin bref, un garçon sympathique. Et Varg Vikernes, donc son pseudo c'est Varg. Varg qui signifie loup en norvégien, voilà pour l'anecdote. Et donc voilà, du côté du metal, du black metal notamment, c'est très intéressé par le thème du loup et notamment en particulier par le thème de Fenrir, qui est ce personnage mythique, un loup immense qui dévore, que combattent des personnages comme des dieux comme Odin notamment. Dans les mythes scandinaves dont on a hérité depuis des siècles, qui ont peut-être un peu bougé, je sais pas, toujours est-il que Fenrir est un personnage qui inspire, et qui inspire notamment ce groupe dont je ne pourrais pas vous dire des masses parce que je l'ai découvert en début d'après-midi et j'ai pas eu le temps de faire énormément de recherches. Un groupe qui s'appelle 14 Dark Centuries, qui est un groupe de métal scandinave, alors je sais pas s'ils sont suédois ou norvégiens, toujours est-il qui consacre un morceau à ce personnage Fenrir. On va écouter ça tout de suite. 14 Dark Centuries avec le titre Fenrir, un morceau court, efficace, avec une intro toute gentille et puis un gros son bourrin derrière, j'adore ça. Et donc voilà, c'était pour faire une petite référence à Fenrir, ce dieu des légendes scandinaves, ce loup monstrueux avec lequel notamment se bat Odin. On va rester un petit peu dans cet imaginaire nordique, mais on va aborder un aspect un petit peu plus controversé et plus négatif du thème du loup tel qu'il a pu s'imposer dans l'imaginaire, celui notamment qui est associé par certaines tendances politiques d'extrême droite notamment, et qu'il est depuis un bon siècle. Et c'est un aspect délicat à aborder, mais je dois le faire forcément, et je l'ai fait par le truchement ce soir d'un groupe qui s'appelle Blood Axis, un groupe américain de néo-folk qui lui s'inspire nettement des auteurs des années 20, des années 30, des auteurs allemands, italiens souvent, qui sont connotés fascisme ou nazisme pour le coup. Et là en l'occurrence, eh bien, c'est un thème d'un poète très populaire durant le Troisième Reich, qui s'appelait Friedrich Hirscher, et qui avait écrit un poème sur le loup. Mais en l'occurrence, dans la philosophie de ces gens-là et de ceux qui ont partagé sa vision des choses, je pense aux nazis notamment, mais il y en a d'autres, eh bien, le loup est l'animal qui incarne la force et qui a le droit le plus strict, en fonction des lois divines et naturelles, de soumettre ou de bouffer les plus faibles. Mais le problème, c'est que quand on accorde foi à ce genre de philosophie, on est amené à faire des horreurs. Voilà. Donc forcément, vous imaginez bien que j'allais pas vous ramener des groupes de rock nationalistes, etc., qui disent des horreurs dans les paroles de leurs chansons. Mais en l'occurrence, pour aborder le thème un petit peu plus sombre, cet aspect plus sombre du symbole du loup, eh bien, j'avais envie de ramener ce poème mis en musique, Wir rufen deine Wolf. C'était en fait sur une compilation sortie par un label qui avait convié différents groupes de cette mouvance musicale là, des groupes qui soit partagent effectivement les idées un petit peu droite ou extrême droite de ce poète allemand des années 30-40 qui s'appelait Friedrich Hirscher, mais d'autres aussi qui simplement sont attirés par l'esthétisme de ces régimes politiques très controversés, c'est rien de le dire, et qui partagent pas forcément les idées politiques. Quoi qu'il en soit, on va pas leur faire un procès d'intention, on va juste écouter leur musique, et tout de suite je vous propose Blood Axis, Wir rufen deine Wolf. Und rufen deinen Speer, wir rufen alle Zwölfe vom Himmel zu uns her. Wir rufen deine Wölfe, und rufen deinen Speer, wir rufen alle Zwölfe vom Himmel zu sleep is deepest, when nightmares are most real. It is the hour when the sleepless are haunted by their deepest fear, when ghosts and demons are most powerful. The hour of the wolf is also the hour when most children are born. Et toi, qui que tu sois, tu peux avoir l'honneur d'être ma dernière victime. Je ne me laisserai pas tuer si facilement. Je suis un guerrier. Courageux guerrier. Alors affronte le néant. Qu'est-ce que c'est que le néant ? Ce qui reste, le vide. Le désespoir. Détruit ce monde. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider. Mais pourquoi ? Parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir. Quelques notes toutes douces pour aller vers la fin de cette émission parce qu'on est un petit peu en retard et du coup on vous a enquillé plein de morceaux différents. On est comme ça sur Osmose Radio, on craint des gains. On a donc commencé avec Blood Axis qui mettait en musique un poème Wir rufen dein Wolf, un poème d'un auteur allemand très très proche des nazis dans les années 20-30. Tout ça est entre nous soit dit, mes chers et mes petits loups. Ma copine est allemande, alors du coup elle va me faire la gueule que j'ai ramené un auteur aussi controversé. Et une petite pensée pour moi qui ce soir vais dormir sur le canapé, hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est un canapé confortable. On avait enchaîné Blood Axis avec une petite virgule. En fait, la bande annonce du film d'Ingmar Bergman, Vargtimen, qui signifie l'heure du loup. Et j'avoue, hein, je l'avoue humblement, j'ai piqué l'idée du nom de cette émission à ce grand cinéaste. Vargtimen, l'heure du loup. Et bien justement, c'était aussi l'objet du groupe suivant, Ednin Galna, avec le titre Vargtimen, l'heure du loup, disais-je. Et Ednin Galna, en fait, c'est un groupe folk électro suédois avec quelques Finlandais dans l'eau, en tout toujours est-il qu'ils font une putain de bonne musique folk, comme ce que vous avez pu l'entendre à l'instant. C'était enchaîné ensuite avec une autre virgule que vous n'aurez peut-être pas capté si vous n'étiez pas enfant dans les années 80. C'était un extrait du fameux film L'Histoire sans fin, un film fantastique qui avait eu beaucoup de succès à l'époque, un film fantastique allemand que moi-même j'avais regardé quand j'étais petit. Et enfin, ces dernières notes, c'était Moonspell, avec un extrait de l'album Wolf Heart qui était sorti en 1995. Un titre, un petit morceau comme ça acoustique, tout mignon, qui s'appelle Lua d'Invelno, lumière d'hiver hein, d'ailleurs, ben, ce mois de janvier est aussi connu pour être considéré par les Amérindiens notamment, mais aussi par d'autres, comme le mois de la lune du loup. Janvier, c'est la lune du loup, la lune la plus froide de l'année, ben, une lueur d'hiver. Pour conclure cette playlist sur le thème du loup ce soir, ça me semblait tout à fait approprié. Hein, Moonspell, un groupe de métal portugais, du métal avec de grosses couilles, mais qui de temps en temps fait de jolies petites choses acoustiques comme ça. Voilà, chers amis. Pour conclure cette émission, le thème du loup, on l'a décliné en musique ce soir. Le loup se décline aussi en art visuel, en jeu vidéo, etc. J'aurai l'occasion d'y revenir dans nos prochaines émissions sans doute. Mais en tout cas, ce soir, pour cette première émission de janvier 2017, hein, je voulais pas vous souhaiter mes vœux histoire de pas jouer le chat noir, mais simplement faire une émission pour l'anniversaire de l'heure du loup, justement, qui a commencé en janvier 2014, avec une émission thématique sur ce bel animal là. Et on va continuer puisque le loup, hein, c'est aussi parfois le nom de rue, comme la rue de la Grange au Loup à Nantes, justement. Et bien, comme à notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé par rapport à la playlist. Ce soir, ce sera avec Barbara, qui justement, dans cette rue de la Grange au Loup, il y a de nombreuses années, avait retrouvé son père qui avait disparu pendant longtemps. Et sur la fin, ils se sont retrouvés dans un événement qu'elle a mis en musique et qu'elle a interprété ô combien bêtement, non bellement sans doute, une version magnifique de cette rencontre-là, Barbara, avec le titre Nantes, sur lequel on se quitte. Ce soir, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée, mes petits loups. Salut. Il a plu sur Nantes. Donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous. 25 rue de la Grange au Loup, mais il ne m'a jamais revu. Il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire. Il était revenu un soir et ce fut son dernier voyage. Ce fut son dernier rivage. Il voulait, avant de mourir, se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose. Je l'ai couché dessous les roses, mon père.